Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Transaction majeure chez les Raptors de Toronto. Évidemment, il y avait beaucoup de rumeurs, mais c'est pas encore confirmé au moment où on se enregistre ce podcast, sauf que quoi qu'il en soit, selon ESPN, Kawhi Leonard est parti à Toronto en échange de DeMar DeRozan. On en parle avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal! Salut Danny, excuse le bruit, je suis à mon camp de basketball. Ah oui, ben on te réveille, t'es quasiment en vacances, toi, là. Fait que normalement, c'est rare qu'on se parle à cet ainsi de l'année, mais forcé d'admettre que les Raptors de Toronto font la manchette aujourd'hui, évidemment. On se l'attendait, toi t'as mentionné que les deux pourraient partir, DeRozan et Laurie. Ouais. Mais là, finalement, c'est DeRozan qui est parti. C'est pas encore confirmé d'ailleurs, mais quand ESPN sort de quoi, normalement, c'est quoi? Je peux te dire que lorsque les joueurs ont été contactés, c'est fait. OK. Donc, Je peux te dire que Danny Green et okay. Kawhi Leonard s'en vont à Toronto. OK. Et DeMar DeRozan, Jake Crowell, le big man, et un premier choix protégé, donc entre 1 et 20, là, okay. pour les Spurs. Fait que si c'est entre 1 et 20, c'est protégé pour les Raptors, ça devient un deux choix de deuxième ronde. Ça s'en va avec les Spurs. Donc, moi, si on parle pur basket, je pense que c'est un gros coup pour Toronto. Oui et non, parce que Leonard va être joueur autonome l'an prochain. Fait que. Si on parle basket, ouais. Danny Green, pour moi, c'est un gars qui peut être dans le 5 partant, Kawhi Leonard. Si les deux sont contents et veulent jouer et avoir une bonne saison, cette équipe-là est capable de gagner. C'est capable de se rendre en finale NBA. Okay. OK. Maintenant, là, je parlais juste au niveau basketball. Là, toi, tu rentres du côté Kawhi Leonard veut rien savoir de Toronto. Ah ouais, c'est ça. Kawhi Leonard, pour moi, Kawhi Leonard, lui, dans sa tête à lui, c'est les Lakers ou rien, je pense. Donc, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est aller à Toronto, jouer une saison, et devenir un joueur autonome sans restriction, et choisir où il veut aller. Maintenant, les Spurs étaient l'équipe qui pouvait donner le plus d'argent. On est d'accord avec ouais, ça, Danny? Okay, ouais. Ensuite de ça, vu que c'est un échange, Toronto est capable, après sa saison d'un an, est capable de donner 4 ans, je pense, à 190 millions. Mais les Lakers pourraient donner seulement 4 ans à 140 millions. Okay. Il risque de perdre un 5 ans. Là, il vient déjà de laisser au-dessus de 25-30 millions sur un contrat à long de 5 ans. Mais je pense que dans le cas de Kawhi Leonard, c'est pas une question d'argent, là. C'est une question de d'aller où il veut aller puis de faire ce qu'il veut faire. Bon, c'est 140 ou 190, c'est... C'est que t'es rendu là, c'est quoi la différence, là? Ouais, c'est ça, c'est 50 millions. C'est sûr que nous autres, on trouve ça terrible, là, mais ainsi de suite. Mais, Pascal, tu diras que je me trompe, mais maintenant, il va y avoir une fenêtre qui va s'arrêter, qui va se refermer chez les Raptors. Et là, tu sais, si Leonard arrive avec une bonne attitude au camp d'entraînement, c'est une autre affaire, ça. Est-ce qu'il va se présenter au camp d'entraînement? Donc, on a vu ce qui s'est passé avec la meilleure organisation de la NBA, l'organisation qui est probablement la plus respectée de tous les joueurs. Et on a vu ce qui s'est passé avec... Je vais être honnête avec toi, depuis que l'oncle de Kawhi Leonard, qui est un banquier, est devenu son manager, est devenu son gérant, lui, il veut juste un gros marché. New York... Los Angeles, il veut juste un gros marché pour Kawhi Leonard. Okay. Il veut profiter de sa fenêtre. Tu sais, disons la vraie chose, Kawhi a gagné sa championnat NBA, a fait des finales NBA. Lui, il cherche d'autres choses. Un peu comme LeBron James, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est à Los Angeles avec sa famille. Il voulait jouer pour les Lakers, qui est probablement une équipe de quand il était jeune, il rêvait de jouer. Tu sais, faut pas se mentir, là. Quand t'es jeune, moi, mon époque, c'était Boston, Los Angeles et Philadelphie. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu une période, ça a été Chicago, mais là, peut-être que les jeunes de nos jours, ils aimeraient ça jouer pour Golden State, mais LeBron James a grandi quand même à l'époque que les Lakers, c'était toujours Magic, c'est Magic. Ouais. Kawhi Leonard, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce qui me déçoit, Danny, puis on critique beaucoup les athlètes en ce moment, mais tu sais quoi? Il y a deux jours, à Las Vegas, les gens des Raptors ont dit à DeMar DeRozan, tu n'as pas à t'inquiéter, on ne va pas t'échanger. Hier ou ce matin, DeRozan, sur son compte Instagram, a écrit carrément... Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu, oui. En voulant dire, tu peux pas faire confiance à personne. Tu sais? Ouais. Je pense que c'était un joueur loyal pour les Raptors. Ça a été un joueur qui a tout donné à Toronto, qui était prêt à rester à Toronto. Hein. C'est pas beaucoup de fêtes qui veulent être à Toronto, Danny. Là. Non, c'est lui, sûr. Mais je suis pas surpris que Masai Ujiri ait fait cet échange-là. Et je vais te dire pourquoi. Paul George. Oui. A été à Oklahoma City. Lui, il a dit, moi, je m'en vais là un an, pour ça, je m'en vais à Los Angeles. Et Oklahoma City a réussi à le convaincre de rester. OK. Moi, je pense que Masai Ujiri est convaincu qu'après une saison à Toronto, surtout s'il se rend en finale ou presque, peut-être qu'il se dit que Kawhi va rester avec nous autres. C'est... Je vois pas d'autres raisons pour que tu as cherché Kawhi Leonard. Mm. Parce que c'est une indication d'un an. Oui, c'est ça. Mais tu sais... Oklahoma City a pris une chance. Ça l'a payé. Maintenant, mais moi, je serais Masai, j'aurais fait la même chose. J'aurais été chercher... Parce que DeRozan, je m'excuse, j'adore DeRozan, Danny, mais il a disparu dans les matchs importants. Ah oui, c'est ça. Fait que, puis c'est pas juste ça non plus, c'est que, tu sais, à un moment donné, la poutine, faut qu'elle change un peu. Ça fait combien d'années que la fenêtre est ouverte, puis qu'il y a rien, qui se passe. Cette année, je pense que du côté des Raptors, on devait apporter son changement. On a congédié Dwayne Casey. Là, maintenant, DeRozan est parti. C'est ça qu'on a fait. Donc, moi, je dis bingo. Tu sais, quelque part, là, faut essayer d'autres choses. Parce que là, la fenêtre va se refermer vite. Philadelphie s'en vient à fond de train. Les Raptors, US. Hein? Philadelphie-Boston, c'est les deux tops. Ouais. Donc, c'est probablement la dernière année que les Raptors, la fenêtre est ouverte. Es-tu d'accord avec moi? Absolument. À moins qu'ils réussissent à garder Kawhi Leonard avec une très bonne saison. Ouais. Mais, écoute, disons une chose. C'est Kawhi Leonard fait ce que Paul George a fait à Oklahoma City avec les Raptors. Disons, il met tout de côté et dit, moi, je vais jouer, je vais performer. Ça risque d'être intéressant. Oui. Là, son genou, il a été blessé au genou. Il n'a quasiment pas joué le match l'an passé. Est-ce que tu penses qu'il va être remis assez pour le camp d'entraînement si jamais il se présente en bonne forme? Je pense que s'il avait à jouer demain matin, il serait correct. OK. OK, disons la vérité. Là, il a joué 9 matchs cette saison. C'est son quadriceps. Il y a eu quelques complications, il a voulu être sûr. Moi, je pense qu'il est prêt physiquement à jouer un match de basket là. OK. Donc, est-ce que tu t'attends à d'autres mouvements chez les Raptors? C'est pas mal terminé, on a échangé le gros morceau puis c'est tout? C'est ça, je pense? Je pense que le joueur où on attendait de voir ce qui se passerait, c'était Kawhi Leonard, la saga Leonard. Je pense qu'elle vient de finir, mais en nous deux, Danny, elle vient de recommencer. Parce que tant qu'il ne sera pas physiquement à Toronto, il risque de ne pas jouer. Ouais. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Un peu, je pourrais comparer ça à Eric Lindros, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Par Eric Lindros, on a vu ça des joueurs dans la NFL, maintenant, dans la NFL aussi, des premiers choix repêchage qui ont dit « j'y vais pas » de cette équipe-là. Donc, c'est sûr que, écoute, Leonard veut jouer à Los Angeles avec les Lakers, donc c'est sûr que c'est... je parlais avec Tom Lapointe la semaine passée, Pascal, puis il disait que ce qui a attiré LeBron à Los Angeles, c'est pas une question de basket, il y a le cinéma. Ah non, mais, Danny, regarde, ça fait 16 ans qu'il est dans la NBA, il a tout donné au basket, je m'excuse, il a tout donné, lui-là. Ouais. Il a 33 ans, il est encore jeune, il a encore des belles années devant lui. Puis pourquoi pas choisir? Écoute, la preuve que c'est son cœur, sa famille, il a signé un contrat de 4 ans. Il signait jamais de contrat de 4 ans. Moi, je pense que sa femme m'a dit, regarde, on s'en va à Los Angeles, on s'en va pas là pour un an. Ouais. Elle a dit, LeBron, si on s'en va à Los Angeles, là, on s'en va là pour au moins 3-4 ans. Mm. Fait qu'il a signé un contrat de 4 ans. Il avait jamais signé de contrat à long terme depuis 2010. Fait que moi, je pense qu'il était à Los Angeles pour Hollywood, pour la température, pour la beauté, pour l'équipe, pour l'école de ses garçons. Pour tout ce qui se trame par rapport à ce qui est d'être à Los Angeles écoute, je pense qu'il y a 3 jours ou dans la dernière semaine, il y a eu un dîner avec DiCaprio puis Al Pacino, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, ouais. Pascal, il me reste une petite. Je vais faire une pause. On va faire. Parce qu'il me reste un petit sujet d'actualité, je vais te parler. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Pascal Jobin sur les ondes de DanRadioSport.com. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831. On est retour à DanRadioSport.com. Pascal, deux petits points d'actualité que je vais te parler. La Ligue d'été, on, je pense que ça vient de terminer. Là, ça a terminé lundi soir. Pour les équipes qui gagnent la Ligue d'été, ça veut dire quoi? Parce que là, c'est les joueurs qu'on a vus, là, c'est les joueurs qu'on va. C'est les premiers choix repêchage ou la relève, ou des joueurs de la G-League. Ça veut dire qu'ils appartiennent à les équipes. Pour l'équipe, admettons, qui a gagné, je pense que c'était les Lakers contre les Cavaliers, c'est ça, en finale? La finale, c'était Los Angeles Lakers. Ouais. La deuxième finale consécutive contre les Trailblazers de Portland. OK. Ça veut dire quoi pour eux autres? Absolument rien. Absolument rien, OK. Ça veut pas dire qu'ils ont une bonne... ils sont-tu contents de l'avoir gagné? Sont-tu contents de... Non, ça non, veut-tu... Écoute, Magic, Pelinka, Luke Walton, ils ont descendu voir la finale. LeBron a été voir le match Los Angeles contre les Pistons de Détroit. Las Vegas, en ce moment, les 30 équipes sont là. C'est un festin de basketball international, NBA, Europe, l'Euroleague, tout le monde. Si tu veux rencontrer des gens de basketball, tu vas passer ces deux semaines-là à Los Angeles. C'est vraiment rendu la place. Il y a deux petites ligues à Utah puis à Sacramento maintenant. Il y a 4 ou 5 équipes, là. Mais il y a les 30 équipes. Donc, tout se passe là, là. Il y a beaucoup de nouveaux emplois, d'échanges, de parlages, de maraudages qui se passent à Los Angeles. Et la Ligue d'été, je te donne un exemple. Les Warriors, c'était Willie Green qui était l'entraîneur. Okay. Les Lakers, c'était Miles Simons. Fait que c'est l'opportunité à des assistants entraîneurs de se faire voir. C'est l'opportunité. Il y a beaucoup de joueurs des équipes. Je te donne un exemple. LeBron était là. Il a été voir l'équipe. On voit les recrues, on voit les joueurs autonomes, on voit qu'est-ce qui peut s'en venir, le style de jeu qu'on veut faire. Mais de le gagner ou non, quand tu gagnes la Ligue, parce que tu as joué peut-être 2 ou 3 matchs de plus, parce que après la ronde préliminaire, si tu perds, c'est fini. Ouais. Fait que c'est bon pour la franchise, c'est bon pour le prestige, mais à la fin de la journée, ça a bénéficié à un gars comme Josh Hart, qui a démontré qu'il était peut-être un super bon joueur de basket qui va aider les Lakers. Ça l'a démontré à Los Angeles, à peut-être le garder avec LeBron, voir qu'est-ce qu'il va faire. Fait que c'est sûr que pour les joueurs, la Ligue d'été, elle est importante. Pour les recrues, elle est importante de démontrer que je suis capable de jouer tout de suite. Souvent après 1 ou 2 matchs, même 3 matchs, on dit aux joueurs que t'as pas besoin de jouer le reste de l'été. Là, on est convaincu, on sait, on donne un compte. Il y a des jeunes, il y a des athlètes qui ont été à la Ligue d'été, Danny, qui avait pas de contrat, et pendant les 2 semaines, on signe un contrat, mettons 1 an ou 2 avec une équipe NBA. Fait que c'est important pour les athlètes, mais pour l'organisation, que tu gagnes ou non, ça change rien. Okay. C'est juste, comment on peut appeler ça? En anglais, on dit en français, c'est plus une bataille de coq, là, pour montrer qu'on a encore, tu sais. Mais c'est pas, C'est juste du pro basket, puis ça, la NBA est rendue doucement par année maintenant. OK. Pascal, en terminant, Mathieu Jolivet de RDS a remplacé au 98.5 la semaine passée. Il a fait une ligne ouverte de basketball. Incroyable, hein? T'aurais jamais pensé ça, hein? Au 98.5. Puis ça a l'air qu'il y a eu des appels, là. Il y a eu pas mal d'appels à part là de ça. Mais on sait qu'il y a des appels. Et tu sais, ce qui est le fun, c'est que les gens de basket commencent à être côtoyés, commencent à être demandés, que ce soit Peter, que ce soit moi, mais à RDS, ils ont fait du basketball, là, à la radio, tu sais. Fait que là, t'as quelqu'un qui est pas nécessairement basket, mais qui aime le basket. J'ai travaillé pendant une saison, moi, avec Miku Guerry, on se parlait toujours. Maintenant, il est rendu à Radio-Canada. Je sais que Miku aimerait ça avoir plus de basket à Radio-Canada. Il a des efforts. Fait que c'est sûr que quelqu'un, demain matin, Danny, t'es engagé par un... J'adore ton poste de radio, mais t'es engagé, mettons, à Radio-Canada, tu vas essayer de passer le basket un petit peu, tu sais. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que les gens ont toujours peur de parler de autre que du hockey, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ah oui, c'est avec la nouvelle génération. Pascal, donc, je te ressens un petit peu retourné. Oui, c'est qu'il y a un match NBA cette année à Montréal. Oui, puis match de la NCAA aussi. NCAA, Duke contre Deux. Puis il y aurait l'équipe canadienne aussi qui jouerait un match au mois de septembre à Montréal. Et les gens vont pouvoir voir R.J. Barrett, cette jeune sensation. C'est sûr que mais, s'il y aurait un Québécois qui percerait puis qui serait bon, ça aiderait beaucoup, hein? Ben, Cambridge. Tu l'oublies. Ouais, mais qui parle... Qui parle français? Il parle un petit peu français, mais ouais, c'est mais... pas... Ouais. Mais c'est un gars de Montréal. Ouais. Vraiment un gars de Montréal, tu sais. Ouais. Il est dans la NBA, il vient de signer son contrat avec les Magic d'Orlando. OK. Pascal, on se reparle bientôt. À bientôt. Pascal Jobin, collaborateur de basketball. Gros échange chez les Raptors de Toronto aujourd'hui.